Jag tror att on a commencé à regarder la semaine passée un roi compatissant. La compassion de Dieu. Cette semaine, j'écoutais quelque chose qui parlait des mouvements humanitaires dans le monde et à quel point c'était frauduleux. À quel point c'était difficile pour l'être humain d'être compatissant. On ramasse des fonds et des argents et il y a toutes sortes de choses qui se passent à travers ça, qui devient du vol, de l'agression. Je disais qu'il y avait quelqu'un qui avait envoyé des couvertes et l'armée a pris les couvertes, il vendait les couvertes au peuple et ça se fait, les gouvernements saisissent les biens. Ils vendent ça, ils s'en utilisent pour leurs armées. C'est pas toujours facile à comprendre tout ce qui se fait dans ces mouvements-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, avec le temps, ont de la misère à faire confiance à ces gens-là parce qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qui se passe avec tout leur argent qu'ils donnent. Et c'est des milliards de dollars qui se donnent à tous les ans à travers cela. La compassion. Mais quand on regarde Jésus vivre sur la terre, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous pouvons voir, nous pouvons contempler quelqu'un qui a de la compassion. Quelqu'un qui a une vraie compassion, je dirais la seule vraie compassion, c'est lui qui l'a. Mais on va voir aussi ce matin et dans les semaines qui vont venir que la compassion a un prix. Jésus a payé le prix d'être compatissant. Et un des prix d'être compatissant, c'est que on voit à travers les passages dans Matthieu et dans d'autres évangiles que les foules se jetaient sur lui. Se jetaient littéralement sur lui pour être guéris. Parce qu'ils savaient que Jésus guérissait les malades, les infirmes. Imaginez-vous ça, Jésus c'était pas les paparazzi, hein? C'était pas paparazzi ou paparazzi qui courait après lui, c'était plutôt les paparalysés. Les paparalysés qui couraient après lui. On ne voulait pas prendre sa photo. On voulait avoir quelque chose de lui. Tout le monde se disait, si on peut juste lui toucher, on va être guéri. Jésus était tellement compatissant que les gens avaient entendu dire à travers d'autres personnes, des amis, de parenté, en tout cas, des journaux, des nouvelles du jour, je ne sais pas quoi, ce Jésus-là, il guérit tout le monde. C'est ça que la Bible nous dit, il guérissait tout le monde. Il revenait dans des foules, il guérissait tous les malades, tous les estropiés, tous les infirmes. Si vous aviez ce pouvoir-là ce matin, il y aurait une file à la porte ici qui vous attendrait. Quand j'étais jeune, il y avait un ramancheur dans mon coin. Un guérisseur, un ramancheur. Qui avait une grosse réputation. Et tu allais là, si tu voulais aller là, le matin, dès le matin, avant que le soleil se lève, il y avait déjà une misère de taux dans le rang de campagne qui attendait leur tour pour entrer chez le guérisseur. Quand tu as ce don-là, je ne sais pas quel don que lui avait, je ne savais pas. Les gens font la file devant toi. Ils ont reçu Jésus. La compassion. Puis là, monsieur, il n'y a pas une grosse compassion, il y avait un gros portefeuille. Tu payais pour entrer. Puis tout le monde t'apprend à payer pour entrer. Mais Jésus, lui, il faisait gratis. C'était la compassion qu'il avait pour les gens. C'est quoi la compassion, on a dit la semaine passée? C'est quoi la définition? Savoir de la pitié pour la misère d'autrui. Quelqu'un est dans la misère, quelqu'un a des difficultés, et on a de la compassion. Si vous pensez que le monde est rempli de compassion, mettez-vous à quelque part quand il pleut et faites du pouce. Vous avez toutes les belles raisons de ne pas y prendre, mais vous allez voir que vous allez dire, après tout ce coup, vous allez dire, je suis une personne qui arrête, je suis dans la misère, j'ai froid, je suis tout trempé, il fait froid, et tout le monde passe. Je suis convaincu si Jésus passait, il m'embarquerait. Je suis convaincu. Je ne vous dis pas, vous faites ça, tu es coupable, n'embarquez pas, là. Pour ça, je vous dis. La compassion, fait pas partie de notre bagage humain. Notre compassion ne fait pas partie de notre bagage humain. Je parlais avec mon gars cette semaine, je disais, Jérémy, on calcule toutes nos parties. On calcule tout. Qu'est-ce que ça va me rapporter? On calcule tout. Même avec nos femmes, même avec nos maris, nos enfants, on calcule tout. Si à un moment donné, on calcule que ça ne nous rapporte plus. C'est comme ça qu'on est. L'être humain est comme ça. Il calcule. J'ai entendu ça sur partout, TV. Mes droits. Mes droits. Tu ne respectes pas mes droits. J'ai des droits. Tu ne respectes pas. Et tu ne me donnes pas ce que j'ai le droit d'avoir. On veut que les gens puissent nous donner. La compassion ne fait pas partie. Si vous regardez notre système de justice, on va voir que la compassion ne fait pas partie du système de justice. Quelqu'un t'a fait du tort, des fois par exprès, d'autres fois pas par exprès. On appelle ça des accidents. On n'a pas grande compassion des accidents. Tu payes. Puis tu payes un peu plus que ça vaut. Tu payes. La compassion ne fait pas partie de notre vie en tant qu'être humain. C'est pour ça que quand on regarde Jésus, qui lui vit dans un monde, là c'est ça qui est le plus intéressant pour lui. Puis la compassion c'est quelque chose de spécial parce que lui, il s'approche des gens qui le détestent, des gens qui sont des pécheurs contre lui, des gens qui vont le crucifier tout à l'heure, qui vont crier, crucifie-le, crucifie-le. Moi, j'ai de la misère à faire, à être compatissant envers des gens qui ne me tirent pas de roche, là. Lui était compatissant envers une foule qui savait très bien dans sa petite tête que dans quelques semaines, dans quelques mois, ils vont crier, crucifie-le, crucifie-le. Ça, c'est de la compassion. Je vous dis, c'est de la compassion. C'est aimer, c'est aimer. C'est faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est pas évident pour nous. Jésus a cette forme de compassion-là. Et à cause qu'il y avait cette compassion-là, généreuse et gratuite, et cette compassion-là ouverte à tout le monde, peu importe qui il était, jeune, vieux, homme, femme, enfant, il y avait cette compassion-là pour tout le monde. Et à cause de ça, sa réputation s'est répandue comme fumée se répand au vent. Ça s'est répandu dans tout Israël et on emmenait des gens par dizaines de milliers le voir. Jésus les guérissait tout ça. Et la Bible nous dit que à cause de ça, il a perdu son intimité. Il était obligé de se cacher. Il courait la nuit se cacher dans les petits coins sombres parce qu'il pouvait avoir du temps avec son père pour prier. Aussitôt que les gens savaient qu'il était quelque part, il arrivait encore par milliers pour se faire guérir. Quand un homme, si vous aviez quelqu'un dans cette ville-là ici, rempli de compassion, les gens feraient la ligne au bout pour le voir. Parce que les gens ont des besoins. Puis s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut rencontrer le besoin, ils vont aller le voir. Oui, oui. C'est la compassion. La compassion. C'est pour ça que certains mouvements, où est-ce qu'on offre des choses gratuites, qu'on dit qu'on veut aider, les gens vont aller. Les gens vont aller voir. Ils vont aller voir. Cette valeur que l'Église, en général, dans le monde dans lequel nous vivons, a perdu cette réputation-là. L'Église, en général, a perdu la réputation d'être généreuse, d'être compatissante. Si vous lisez l'histoire de l'Église, à travers l'histoire depuis 2000 ans, il y a certaines périodes de l'histoire de l'Église où l'Église était reconnue pour être la place où les gens étaient compatissants, que tu allais là pour avoir des besoins comblés, et tu allais là pour chercher de l'aide. La réputation aujourd'hui des Églises, c'est... Ils veulent toujours de l'argent. Ils veulent toujours de l'argent. Ils vous offrent un livre gratuit si vous faites un don de 20$. C'est ça qu'ils font. On vous offre ça, c'est gratuit ce livre-là. C'est gratuit si vous faites un don de 20$. Moi, j'appelle ça vendu 20$. Tu sais, là, c'est ça que j'appelle ça, vendu 20$. J'aime pas ça. On fait ça au nom du Seigneur. C'est ça. On fait ça au nom de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est une honte, dans ma tête, c'est une honte de faire ça, de jouer sur les mots comme ça pour que les gens donnent des argent. On a vu que Jésus, pendant qu'il va exprimer sa compassion au monde dans lequel il vit, pendant trois ans, là, pendant que lui est sur la terre, il continue aujourd'hui, mais on va en parler plus loin, mais pendant qu'il était là, pendant trois ans, il a exprimé la compassion de Dieu à un monde perdu, un monde déchu, un monde dans les ténèbres, un monde qui était ennemi. C'est pour ça que Dieu a dit, aimez vos ennemis comme moi j'aime mes ennemis. Les ennemis, c'était qui? Nous, les êtres humains. C'était nous, les êtres humains, les ennemis. Il dit, je vous aime. Il dit, donc, j'aime mes ennemis et je veux que vous fassiez la même chose. Il y avait trois buts qu'on a vus la semaine passée, je vais juste les répéter. Premièrement, son premier but, c'était d'amener les gens à la foi. Attention, pas à la foi du salut. C'était pas son but premier. Parce que le salut n'était pas encore accompli. C'était la foi en lui, dans sa personne. Et quand lui était pour dire un peu plus tard, et pour exprimer à travers, un peu plus loin, qu'il était mort pour les sauver, ils vont croire. Mais probablement, ce qu'il veut pendant, à travers tous ces miracles qu'il va faire, toute cette expression de sa compassion, il veut juste que les gens croient en, aient confiance en lui. Deuxièmement, c'est de fortifier la foi qu'il a, que les gens ont déjà. Celui qui va dire à plusieurs personnes, ta foi t'a sauvé. Donc, ces gens-là avaient déjà la foi avant d'arriver. Jésus va récompenser cette foi-là qu'ils ont en lui. Il va manifester que ceux qui mettent leur foi en lui, il peut faire des choses pour eux autres. Donc, il veut les emmener à la foi en lui. Et là, il demande que ceux qui ont foi en lui, il peut faire de quoi pour ces gens-là. Et troisièmement, et je crois que c'est la principale ici dans Matthieu, il veut démontrer qu'il est le Messie annoncé par les prophètes. Parce qu'on a lu ensemble dans Matthieu, chapitre 8, versets 16 et 17, on a lu quelque chose. Et on va lire surtout le verset 16 et 17, on va lire les deux ensemble, si vous voulez bien. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Donc, le but que Jésus a fait tout cela, c'était, oui, montrer sa compassion, mais il devait montrer cette compassion-là parce qu'il devait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament qui avaient annoncé que le Messie qui viendrait se chargerait des maladies et se chargerait de l'infirmité du peuple. Et vous souvenez, on va voir, oui, c'est dans Matthieu, on va voir un petit peu plus loin que Jean-Baptiste doute que Jésus, Jean-Baptiste, on est dans sa prison et doute. C'est-tu le bon gars? C'est-tu le bon gars? Il me semble, hein, enfermé dans quatre murs. C'est-tu le bon gars? C'est-tu le bon gars? Il se posait la question, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne vient pas me sortir? Je suis son héros, je suis celui qui l'a annoncé. Pourquoi il ne vient pas me sortir? Jean-Baptiste est un être humain, pareil comme vous et moi, avec tous ses problèmes. Ce n'est pas un saint. C'est un homme pécheur comme vous et moi. Et j'ai toujours dit, chaque chrétien a sa limite à un moment donné, s'il m'a posé des questions. Jean-Baptiste est dans la prison et il souffre comme un bon, il souffre comme un gars qui est mis injustement là, et il souffre. Il s'attend, il dit que Jésus est le Messie. Il pense que le Messie va faire de quoi pour le délivrer de là. Mais non, il ne fait rien. Il envoie quelques-uns de ses disciples. Il va dire quoi? Allez donc lui demander si c'est le bon gars ou son nom n'attendait l'autre. Je me suis-tu trompé? Est-ce que j'ai pointé le doigt vers quelqu'un qui n'était pas le vrai Messie? Qu'est-ce que Jésus dit? Allez lui dire, qu'est-ce que vous voyez? Les aveugles voient, les infirmes marchent, les paralysés sont guéris. Allez leur dire que les morts ressuscitent, la bonne parole est prêchée. C'est tout ce qu'il dit. Il ne gueule pas. Il fait la preuve. Il dit, je l'ai prouvé. Si tu ne crois pas qui je suis avec tout ce que j'ai fait, même si j'en ferai encore plus, tu ne croiras pas plus. J'ai prouvé que j'étais le Messie. Par tous les miracles et les guérisons que j'ai faites. Donc, ces trois buts-là étaient, il ne faut pas les oublier quand on étudie cela, parce qu'aujourd'hui, on veut prendre ces mêmes miracles, ces mêmes guérisons-là, ces mêmes résurrections-là, puis on veut les appliquer aujourd'hui pour une autre raison. Mais quand Jésus les a faites, il y avait des raisons bien précises, lui, quand il les a faites. Le but n'était pas de soulager la terre pendant 3 ans de toute sa misère. Parce qu'après 3 ans, la misère est revenue. Ça a continué. Les gens qui ont ressuscité, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts une deuxième fois. Je ne suis pas sûr que je vais être ressuscité pour mourir une deuxième fois. Personnellement, si je suis mort, là, priez pas que je ressuscite. Je ne veux pas. Laissez-moi mort. Je ne vais pas revenir pour mourir une deuxième fois. Je suis mort assez d'une fois. Là. Hein? Quand Jésus a ressuscité Lazare, Moi, je me suis déjà dit, oh, la première, deuxième fois. J'espère que ça ne sera pas aussi dur que la première fois, tu sais, dans la maladie, dans la souffrance. Il meurt. Là, il va souffrir peut-être une deuxième fois. Il va souffrir malade, encore une fois, mourir une deuxième fois. Il va dire, Seigneur, t'en as-tu bien mis le Seigneur? Jésus n'est pas venu enlever la misère sur la terre comme certains pensent. Ceux qui en pensent ça, ceux qui croient ça, ceux qui prêchent ça, sont très déçus. Ça n'arrive pas. La misère est toujours là. Puis à vous et moi, il y en a-tu moins qu'il y a 50 ans, la misère? Il y en a-tu moins? Ben non. Ben non. Il y en a-tu moins que vous le 100 ans? Ben non. La misère est là. Elle ne s'en va pas. Elle va s'en aller lorsque Jésus va faire le nouveau ciel, nouvelle terre, établir son royaume. Donc, on a vu, versets 1 à 15, Jésus a exprimé sa compassion en faisant des guérisons. On a commencé la guérison d'un lépreux. On a vu la guérison du serviteur du centenier, avec lequel Jésus lui a dit un beau compliment. Il dit, j'ai jamais vu aussi autant de foi. Donc, ce que Jésus complimente, c'est la... Rien, dites-le avec toute la gang. Foi, ce n'est pas les œuvres qu'on fait. Et que j'aimerais qu'on rentre ça dans notre tête bien, bien cru. Ce n'est pas ce que l'on fait qui complimente. C'est la foi qui complimente. C'est ça que l'Hébreu dit aussi. On ne peut pas lui être agréable sans la foi. Il faut croire. Il ne nous demande pas plus que ça. Crois en moi. Crois en moi. Fais-moi confiance. Et je vais faire de grandes choses pour toi. Je vais faire de grandes choses pour toi. Je vous l'ai déjà dit, les plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie, je n'avais jamais prié pour les avoir. Je vous garantis, je n'ai jamais prié pour les avoir. Dieu nous a donné dans son amour et dans sa grâce, hein? Dans sa bonté. Chapitre 8, verset 14. On va voir un autre moment où est-ce que Jésus va exprimer sa compassion à une femme, cette fois-là. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Donc, Jésus rentre dans une maison, il voit quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a la fièvre, et la première chose qu'il fait, hein, avant de s'asseoir ou avant de faire quoi que ce soit, ce qu'on a dans nos deux versets ici, il s'en va vers la belle-mère de Pierre, il lui prend la main, puis il la guérit. Il la guérit. La compassion. Il voit de la misère et il veut la soulager. Il voit de la misère autour de lui et il veut la soulager. C'est quelque chose d'unique qu'on voit. C'est quelque chose d'unique qu'on voit dans les évangiles. Même les disciples pendant qu'ils sont là avec Jésus pendant ses 3 ans n'ont pas cette capacité-là d'avoir de la compassion. Vous vous souvenez de certains moments dans leur vie, les disciples, les 12 sont avec lui. C'est les 12 qui ont choisi pour être apôtres, là. Souvenez-vous qu'il y a quelques petits événements qu'ils ont fait, qu'on voit bien qu'ils n'ont pas une grande compassion? Bien, c'est qui doit être le plus grand entre nous autres? Une des choses, c'est qu'ils se battent pour avoir la première place, sa première chaise. Une autre fois, ils disent quoi? Quelqu'un lui écrit un petit peu des bêtises. Il dit, Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel, le tonnerre sur eux autres? Ils ont de la compassion en bébé. Hein? Il y en a de la compassion, t'as dit? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour tuer, je suis venu pour sauver la gang. Les autres sont prêts à tuer n'importe qui est venu martyriser un peu. L'être humain, es-tu dévoilé, c'est ça. L'être humain, c'est comme ça. Hier, j'étais là à Montréal avec ma fille, puis on s'en va dans le trafic, puis vous savez comment c'est, hein, maman, c'est pas moi qui chauffe, c'est en arrière. Puis là, tâche-toi, fatigué, un pépin, tâche-toi, blablabla. J'ai dit, molle. La compassion, elle t'a pas forte, là, dans le char, je te garantis. « Tassez-vous! J'arrive! C'est moi ici! J'arrive! Tassez-vous! Laissez-moi toute la place! » Plutôt de dire « Passez, madame! Passez, monsieur! » Avoir un peu de compassion pour les autres. On n'en a pas, ta compassion! On n'en a pas! On n'en a pas. Mais mon ami, qu'on en veut. Hein? On en veut-tu, toi, de la compassion? On veut-tu que les gens nous comprennent? On veut-tu que quand on a mal à la tête, qu'ils disent « Pour tu, François! » Oh, petit François, tu souffres beaucoup. Hein? On aime ça quand les jeunes font ça avec nous. Jésus, ici, il a l'affaire. Il rentre dans une maison, première chose qu'il regarde, il y a des gens qui souffrent, vont faire de quoi? Les gens qui ont de la misère vont faire de quoi? Qu'est-ce qui nous empêche de voir la misère des autres? notre propre misère. On est tellement centré sur notre propre misère qu'on ne voit plus la misère des autres. On ne la voit pas. On rentre dans une maison, puis quand ça ne va pas notre affaire, on chiale. As-tu vu comment c'est affaire? As-tu vu comment as-tu vu faire ça? As-tu vu comment c'est? As-tu vu comment est-ce que t'es habillé? C'est ça qu'on fait, hein? Vous faites pas ça aux autres personnes, hein? Ben non, vous faites pas ça aux personnes. Mais hier, j'étais avec mon gars, puis un moment donné, il a vu une femme. Il lui dit, hey, elle est habillée en BS, mon ami, elle est habillée en BS. Je lui dis, même, je ne vous connais pas, vous autres, les deux. Ils n'ont pas appris ça des voisins, je vous garantis. Ils n'ont pas appris ça des voisins. La compassion de Jésus, quand il rentre dans une maison, ou il allait rentrer dans un magasin, ou dans un supermarché, ou il allait rentrer à l'école, ou il allait rentrer au travail, en rentrant, ce qu'il voit, c'est qu'il y a des gens qui souffrent. Qu'est-ce que je peux faire? La compassion. Jésus a de la compassion pour ces gens-là qui ont des misères ici. Ici, c'est une misère physique. Elle était malade physiquement, et il va faire de quoi pour elle. Ensuite, on va aller dans un autre domaine. Là, on a vu les guérisons. Ça se touche de pas mal proche, mais maintenant, on va voir des miracles. Il va faire des miracles. C'est un petit peu différent que des guérisons, mais une guérison est aussi un miracle. Versets 16 à 27 qu'on va lire ensemble. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent le vent et la mer? » Donc, Jésus va faire des miracles, encore une fois, et ces miracles-là, c'est une expression de sa compassion. C'est encore de la compassion qu'il manifeste en faisant cela. Une autre forme de maladie, on pourrait dire, une autre forme de difficulté, une autre expression de la difficulté humaine. Jésus va faire des miracles afin que les gens décident de le suivre. Quand Jésus demandait à quelqu'un de le suivre, est-ce que vous pensez que c'était de la compassion? Quand Jésus vous demande à vous, ou demande à moi, suis-moi, François. Qu'est-ce qu'il vous a dit un jour? Suis-moi, François. Viens et suis-moi. Est-ce qu'il exprimait de la compassion, là? Ou s'il donnait un ordre? Non, pas encore, je le suis. Non, je ne voulais pas le suivre. Est-ce que c'est de la compassion? Ben oui, c'est de la compassion. C'est de l'amour? Ben oui, c'est oui. Il est en train de dire, suis-moi, moi qui est la source de toute vérité, de toute lumière, moi qui est... Puis toi, tu ne mérites pas, là. Je te demande de me suivre, mais je vais prendre soin de toi. Là. C'est moi qui vais prendre soin de toi pendant que tu vas me suivre. Là. Il va dire au jeune homme riche, viens, suis-moi, je vais te donner la vie éternelle. Donc, il ne nous demande pas de le suivre parce qu'il s'attend à quelque chose de nous autres. Mais il dit, suis-moi et moi, je vais faire de quoi pour toi? C'est de la compassion, ça. Tous ces gens-là qui étaient là, ils étaient juste là pour avoir quelque chose de lui. Mais si ça demandait le moindre effort, ils hésitaient tout de suite à suivre. Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Laisse-moi faire ci, laisse-moi faire ça avant. Ouais, je vais te suivre, mais plus tard, là, j'ai trop de choses à faire. Ça, c'est l'être humain. Parce que dans sa tête, l'être humain, quand quelqu'un lui dit, viens et suis-moi. Il veut quelque chose. Il veut quelque chose. Mon gars m'a appelé il n'y a pas tellement longtemps. Je pense que ça soit que je donne des expériences personnelles. Il m'a appelé, il y avait deux jambes cassées. Les deux talons cassés, celui qui m'a deux talons cassés. Là, il m'appelle. Là, je le voyais qu'il avait de la misère à exprimer son besoin. Que demander à son père, je peux-tu aller rester chez toi pendant 4 mois, les deux jambes cassées. C'est pas pour rien qu'il hésitait, vous savez. C'est pas pour rien qu'il hésitait. Il connaît son père. Il savait qu'il le dérangeait. Il savait qu'il le dérangeait. Il hésitait à me demander, je peux-tu aller vivre chez toi pendant 4 mois et que tu prennes soin de moi? C'est pas juste vivre, là, il faut que je m'en occupe. Mais il n'a pas. Là, il se déplace un peu plus. Il connaissait que j'étais quelqu'un qui j'aime pas être dérangé. Voyez-vous comment est-ce qu'on est, évidemment? On a de la difficulté à exprimer de la compassion. On a de la misère. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Dieu béni, Dieu soit béni, qui n'est pas comme nous autres. Si j'avais été Jésus, je suis convaincu que mon garçon aurait eu une moindre misère à téléphoner. Il lui demandait, je peux-tu venir rester avec toi, Jésus, pendant 4 mois? J'ai deux jambes cassées. Jésus aurait peut-être fait un petit miracle, puis ça aurait été passé pour lui. En plus, là. Non, je ne veux pas te déranger, je vais te guérir. Tiens, t'es correct, reste à Montréal. Mais on voit hein, comment on est fait, hein. On voit ça, comment est-ce qu'on est, les êtres humains. Hein. On n'aime pas être dérangé. Moi, c'est ça. Vous autres, c'est autre chose, probablement. Il y a des choses que si je vous demandais de faire, vous allez dire, oh non, Ça vous arrive jamais de dire ça? Quand quelqu'un vous téléphone, oh non, pas lui. Il a encore besoin de quelque chose. Je vais m'en souvenir. Quand les gens ne répondent pas, ils regardent sur le téléphone. Oh non, pas lui. Des fois, c'est juste pour parler. On ne veut pas leur parler même. Il faut juste avoir une oreille attentive. On ne veut pas à quoi tu sais parler. À quoi on va parler de tes problèmes. On ne veut pas. On a de la misère avec ça. Hein? Et ces gens-là, là, ils suivent Jésus partout. Là, Jésus dit, viens, suis-moi. Ah, ben là, j'ai quelque chose à faire. Laisse-moi dire bonjour à mon père. J'ai quelque chose à faire. Jésus dit, laisse les morts atterrir les morts. Laisse la faire. Viens, suis-moi. Je vais te faire du bien. Mais ils ne veulent pas. Mais son désir de faire tous ces miracles-là, c'est que les gens vont décider librement, ouvertement, de bon cœur, avec tout leur désir, suivre ce Jésus. Quand on appelle, ça vous est pas mal déjà fait ça, appeler quelqu'un, vous leur annoncer l'Évangile, vous les appeler à suivre Jésus-Christ, puis dire, oh non, on n'aurait plus le droit de rien faire. Vous avez déjà entendu ça, quelqu'un vous dire ça? Vous, les chrétiens, vous n'avez plus le droit de rien faire. Jésus va nous priver d'avoir du fun. Suivre Jésus, c'est un... Et puis, si vous l'avez pensé, les gens, au temps de Jésus, le pensaient aussi. Ils ne sont pas différents que nous. Et quand Jésus disait, venez, suivez-moi, tout ce qu'ils entendaient, oh non, pas un autre qui veut se faire servir. Ils ne comprenaient pas que lui, il les appelait, venez, je vais vous faire du bien. Venez, je vais vous faire du bien. Je vais vous donner la vie. Je vais vous faire du bien. Parce que dans la nature humaine, on a de la misère à comprendre ça. Et ensuite, on voit le miracle de la tempête apaisée. Jésus fait un miracle encore une fois. Et qu'est-ce qu'il a vu, là? Pourquoi il fait le miracle à ce moment-là? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire le miracle? Lui, il avait besoin de faire le miracle. Qu'est-ce qu'il vivait de lui, là? Lui, il était en plein dans sa nuit de sommeil. Il dort. Il est dans la barque, puis il dort. Lui, là, si personne n'aurait parlé, qu'est-ce qu'il avait fait, vous pensez? Il aurait juste continué à dormir. Puis s'il s'est réveillé, il aurait trouvé une gang de gars assis là, tranquille, en train de ramer. Il n'aurait pas fait de miracle. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui sont paniqués. Des gens qui ont peur. Des gens qui ils ont peur de la mort. Ils vont mourir. Dans les autres, là, je crois que la tempête était assez forte pour faire mourir. C'était des pêcheurs de métier, pas des pêcheurs, j'ai dit des pêcheurs de métier. Ils connaissaient la mer. Ils savaient c'était quoi. Ils ont dû avoir la chienne, en québécois. Là. Ça ne doit pas être des petites baguettes de 2 pieds, là. Ça devait être des affaires assez pour faire couler le bateau. L'eau rentrait dans le bateau. Et Jésus, plutôt de se rebeller, plutôt de venir en règne comme moi j'aurais fait, encore il me fatiguait, il me réveille. Jésus a de la compassion tout de suite pour ces gens-là. Il les regarde, vous n'avez pas beaucoup de foi. Je vais faire un miracle pour que vous ayez plus de foi et que vous croyez qui je suis. Parce que tout ce que son désir, là, c'est pas d'amener le bateau sur le bord de la grève. Là. Il s'en fout du bateau. Tout ce qu'il veut, c'est que les gens comprennent qui il est, lui, dans le bateau. Et quand il fait ce miracle-là, que jamais autre a pu faire, hein, vous n'en connaissez pas d'autres, sont capables d'arrêter le vent. J'en connais pas, vous. J'en connais pas d'autres. Hein. J'en connais pas d'autres qui sont capables d'embarquer sur la mer avec les grosses vagues et dire « Arrête, tais-toi, fais plus de bruit, fais plus de vagues. » Et ça touche. J'en connais pas d'autres. J'ai-tu déjà conté l'histoire de la jeune indienne qui se convertit? Son nom, c'est Vent qui pleure. C'est son nom, Vent qui pleure. Elle adorait un de ses dieux dans sa tribu, c'était le dieu du vent. Elle est dans la misère, dans la difficulté. Et c'est une histoire vraie que j'ai lue. C'est un témoignage d'une femme qui s'est convertie. Et elle monte sur la montagne. Il y a un grand vent, c'est un vent très fort. Et elle monte sur la montagne et elle va prier le Dieu du vent sur la montagne. Et il ne se passe rien. Et un peu plus tard, il y a un missionnaire qui arrive. Il y a un missionnaire qui nous donne le Nouveau Testament. Et elle lit et elle voit Jésus arrêter le vent. Elle conclut dans sa tête que Jésus est plus fort que son Dieu. Elle se convertit au christianisme. Elle dit, je n'ai jamais vu d'autre arrêter le vent. Je n'ai jamais vu d'autre arrêter la mer. Il dit à la mer de se taire, de se calmer. Donc, Jésus ici, le but, c'est de révéler sa personne. Et c'est ce qui arrive, hein? À la fin, il dit, qui est donc celui-ci qui peut arrêter le vent et la mer? C'est qui ce gars-là? Il ne le connaissent pas encore. Ils ne savent pas que c'est Dieu fait chair. Ils ne comprennent pas ça, eux autres. Dans votre tête, à vous, anciens catholiques, pour nous autres, Jésus a toujours été Dieu. Si vous avez été élevé dans des familles chrétiennes, vous avez été une famille chrétienne avec eux? Oui, puis Michel aussi. Ça a toujours été le fait pour vous autres aussi. Vous n'avez jamais été un homme donné, Jésus, c'est pas... Non, on a été élevé en se faisant dire que Jésus, c'était Dieu fait chair. Donc, quand on lit la Bible la première fois, Jésus, c'est Dieu fait chair. Bon, c'est ce qu'on a toujours entendu dire. Et c'était vrai. Mais, eux autres, Jésus dans le bateau, là, c'est un grand prophète, c'est un bon gars, un grand rabbi, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu pour eux autres encore. Ils ne comprennent pas ça. C'est bien plus loin, à la fin. Jésus va être mort, mais qu'ils comprennent ça. Jean, l'évangéliste Jean, a écrit son évangile après la mort de Jésus, pas avant. Il ne comprenait pas lui non plus que Jésus était Dieu fait chair. Mais c'est par le Saint-Esprit qui est venu habiter en eux. Là, ils ont compris tout d'un coup, « Ah! Ce gars-là qui était avec nous autres, c'était Dieu fait chair. » Même s'il leur avait dit à plusieurs reprises, ils ne saisissaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, rappelons-nous, le désir de Jésus dans sa vie, dans la vie de ses disciples-là, c'était de se révéler. Et quand Jésus vous a sauvé, est-ce que vous connaissiez tout de Dieu? Est-ce que vous compreniez tout de Dieu? Dieu n'avait plus de secret pour vous quand vous avez été sauvé? Ben non. On est encore en train de découvrir. Et vous allez découvrir qui il est. Je vais découvrir qui il est en étudiant qu'est-ce qu'il a fait quand il m'a sauvé. Cherchez pas plus loin dans le futur, mes frères et sœurs. Regardez qu'est-ce qu'il a fait pour vous quand vous avez été sauvés et vous allez découvrir qui est Jésus vraiment. C'est là qu'il faut regarder. C'est pas en regardant dans une boule de cristal, c'est pas en demandant à Dieu de me montrer qu'est-ce qui se passe dans l'avenir qu'on va découvrir. Si je regarde qu'est-ce que Jésus a fait quand il m'a sauvé, qu'est-ce que ça voulait dire quand il a dit « François, je te sauve, je fais de toi mon enfant, je fais de toi mon co-héritier, je fais de toi mon héritier pour le Père. » Le Père m'a dit « Tu es mon héritier » puis Jésus dit « Tu es un co-héritier avec moi. » Il a fait beaucoup plus qu'on peut s'imaginer, vous savez. Et plus on va découvrir qu'est-ce qu'il a fait pour nous quand il nous a sauvés, plus on va le connaître. Plus on va se connaître nous-mêmes aussi en même temps. Donc, il fait des miracles, et le but de ces miracles-là, c'est de la compassion. C'est l'expression de sa compassion pour l'ignorance humaine. Parce que l'être humain aurait dû savoir, l'être humain aurait dû comprendre. Jésus aurait dû venir dans un monde, normalement, qui aurait compris qui il était. Mais l'être humain ne le comprend pas à cause que l'être humain a péché contre son Dieu dès le paradis. Dès le paradis. Donc, depuis la nuit des temps, si on peut dire ça comme ça, depuis que l'être humain a péché, l'être humain est devenu ignorant. L'être humain est devenu ignorant. Il vient au monde ignorant spirituellement. Il vient au monde dans les ténèbres. Et là, il vient au monde, puis il ne connaît rien de Dieu. Il faut tout lui apprendre de Dieu. Il faut tout lui apprendre. Il ne sait pas. On va lire ensemble, si vous voulez bien, verset 28. Il y a une autre expression de la compassion de Jésus. Lorsqu'il fut sur le bord, dans le pays de Gadarénien. Ah, vous allez voir comment les êtres humains sont compatissants. Ah, c'est bon. Vous allez voir, c'est bon. Deux démoniaques. Sortant des... Moi, je n'ai jamais vu de démoniaque. Je n'ai jamais vu. C'est peut-être des films qui essaient d'imiter, c'est quoi, là? Je n'ai jamais vu. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui et ils étaient si furieux, si démoniaques, si dangereux, que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez! » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, ils allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus pour lui dire « Merci, merci beaucoup, reste avec nous. » Non, hein? Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. L'être humain, il est pas mal spécial, l'être humain. Il se foutait bien des deux gars, il voulait sauver le cochon. Mais les êtres humains, deux gars, deux cochons, mettons 2000 cochons, qu'est-ce que vous choisissez? Les 2000 cochons. Parce que c'est de l'argent, ça. Hein? Les 2000 cochons, c'est de l'argent. Les deux gars, qui restent démoniaques, on s'en fout. On passe plus là, nous autres, ça ne fait rien. Voyez-vous ce qui se passe? Voici Jésus, et puis personne, les deux gars-là sont là, sont démoniaques, puis personne ne veut les voir, puis personne ne passe là, sont trop dangereux, sont trop fous comme la mère, on ne veut plus les voir. Et Jésus, lui, mais le démoniaque vient vers Jésus, et Jésus a de la compassion tout de suite. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il voit, voici deux gars qui souffrent. Deux gars qui ont de la misère, je ne sais pas c'est quoi être un démoniaque, je n'en ai jamais été là. De vivre dans ce monde-là, de vivre dans d'autres évangiles, ils vivent dans les tombes, dans les tombeaux, hein? Ils vivent parmi les morts, avec les ossements de mort, ils couchent là. Leur vie, c'est avec les morts. Tout le monde les fuit, on les attache avec des chaînes, ils cassent les chaînes, ils se promènent tout nus partout. Ils crient, là, au tombage, comme on dit en québécois. Quelle vie! J'espère qu'il n'y a personne d'entre vous qui espère cette vie-là. Hein? On ne veut pas ça, personne. Mais Jésus, lui, a de la compassion. Moi, je suis convaincu, si j'avais été là dans ce temps-là, j'aurais fait pareil comme les gens de la ville, je me serais habitué à ça. Il y a deux gars qui sont là-bas, qui sont occupés. Ils sont là, ils sont occupés. C'est ça que j'aurais fait. Parce que je te sais, je pars, je t'en vais, je vois de la misère, je ne fais rien. Je dis oui, je passe devant, je ne fais rien. Je fais absolument rien. Parce qu'on s'habitue à ça, vous savez, on s'habitue à voir la misère. La preuve, c'est que si vous avez quelqu'un chez vous qui est malade dans votre maison, on s'habitue à ça. Les gens arrivent, là, ah, pauvre lui, puis là, ils sont tous pleins de. Ils sont tous émus de voir quelqu'un qui souffre. Vous êtes là, vous êtes habitués à ça, là. Vous êtes habitués à ça. Je vois des gens qui travaillent dans les hôpitaux, puis qui voient beaucoup de souffrance, ils s'habituent à ça aussi. C'est pour ça que des fois, on y voit, puis on dit, il me semble qu'il m'a parlé, puis il y a le cœur dur, le médecin, il n'y a plus de compassion pour moi. Parce que quoi? Jour après jour, il voit des malades, il va essayer d'aller des malades. Il a hâte de puncher sa carte, tout le monde. La compassion, on n'en a pas. Et cet homme-là ici, ces deux hommes-là, eux autres, en tout cas, ils s'en foutaient-tu des 2000 cochons dans le lac? Les autres s'en foutaient, les gars qui avaient goûté la compassion de Jésus. Les autres s'en foutaient des 2000 cochons. Les autres sont heureux, ils sont en paix, ils sont joyeux, ils sont délivrés de leur misère. Ils sont maintenant des gens normaux, si on peut dire ça comme ça, font partie de la gang, sont plus rejetés, elles peuvent aller vivre en ville avec les autres. Jésus est content d'avoir fait du bien à ces gens-là. Et la ville réagit d'une drôle de façon. Elle rejette Jésus. Tu nous as fait perdre de l'argent, Matin. C'est un frère deux fois la vie des cochons, il avait du reste. Ben oui, probablement. Probablement que s'il n'avait pas joué sur ça, s'il avait juste chassé les démons et il est parti dans l'abîme, je ne sais pas quoi, il aurait peut-être juste dit, c'est correct, on va aller voir un spectacle. On va voir un spectacle. Jésus fait des miracles, on va aller voir un spectacle. Mais Jésus a de la compassion. Partout où il va, il ne peut pas aller à quelque part sans rencontrer la misère humaine. Il envoie partout la misère humaine. Des démoniaques, des malades, des gens qui sont infirmes, estropiés, des gens qui sont ignorants spirituellement. Ils voient toute cette misère-là. Nous, spirituellement, on a plus de misère à le voir. On le voit plus, un peu plus physiquement. Mais son cœur, quand la Bible nous dit là, qu'il est ému de compassion, c'est vrai. Je ne sais pas, il y en a mal aux tripes, comme on dit en québécois. Et Jésus a une compassion immense. Et a eu une compassion pour vous et moi. C'est en regardant notre état spirituel et notre misère. C'est dur pour nous de voir ça, parce que nous, je suis venu au monde dans la noirceur, spirituellement parlant. Je suis venu au monde là-dedans. Je suis venu au monde dans la noirceur. Donc, pour moi, la noirceur, ça fait partie de ma vie. Donc, quand je vois la lumière, ça me surprend. Hein? Ça me surprend quand on voit la lumière. Jésus, lui, était dans la lumière, puis venu dans la noirceur. Et j'imagine qu'est-ce que ça a pu coûter à Dieu? Comment il a pu réfléchir, Dieu? Quand son père, là, je parle comme un humain parlerait, voir Jésus se lancer, embarquer dans notre monde noir. C'est lui qui était toujours dans le ciel, dans la lumière avec son père, et là, il doit descendre, vivre dans les ténèbres. C'est comme nous autres, on aurait vécu ici, dans une belle place, puis quelqu'un dit, mais là, tu vas descendre, vivre dans une caverne, jusqu'à juste du noir. Juste du noir. Rien d'autre chose que du noir, tu vas vivre là pendant 3 ans. On y penserait, hein? On y penserait 2 minutes avant de descendre dans le trou. On y penserait 2 minutes. Mais Jésus, c'est ça qu'il a fait. Il est parti, il est venu descendre, puis la Bible, l'Évangile de Jean dit, il est venu vivre dans les ténèbres. Nous, on ne les voit pas. Quand on les voit, ça fait tellement partie longtemps de notre vie qu'on n'est plus vraiment surpris de ça. On n'est plus autant choqué par la noirceur parce qu'on est venu au monde dans la noirceur. Ça fait partie de notre vie. On n'était pas juste dans la noirceur, on était nous-mêmes noirceur. On était nous-mêmes faisant partie de ces ténèbres-là. Donc, je suis content, on est heureux ce matin ensemble de voir que Jésus a de la compassion. De la compassion. Est-ce qu'il y en a encore de la compassion, Jésus, pour le monde? Ben oui, il y en a encore. Et il veut montrer cette compassion-là au monde dans lequel nous vivons. Comment il va le faire? C'est nous. C'est nous sa compassion. C'est avec nous qu'il veut travailler pour exprimer sa compassion au monde. C'est nous maintenant ses bras, ses yeux. On dit en théologie, nous sommes le corps mystique du Christ. On dit que lui est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Donc, nous sommes ses bras, ses mains. Et maintenant, il veut aller exprimer au monde de la compassion. Il veut dire au monde qu'il est compatissant. Si nous voulons aller exprimer cette compassion-là, si nous voulons vivre ça, je n'ai pas d'autre solution. Si vous priez, Seigneur, donne-moi de la compassion, avez-vous déjà prié là-dessus? Ça a-t-il augmenté dans la nuit? Avez-vous déjà prié, Seigneur, donne-moi plus de compassion? Le matin, n'avez-vous plus? Si c'est ça, on serait tous bien gonflés de compassion. On aurait prié. Moi, c'est plus 30 ans, j'aurais pu prier tous les soirs, un peu plus de compassion. Là, je serais plein de compassion. Mais ça ne se passe pas tout à fait de même, hein? Ce que je comprends mieux aujourd'hui, après toutes ces années, si vous voulez avoir plus de compassion, on doit réaliser la compassion du Christ pour nous. C'est la seule façon. Votre compassion va augmenter dans la mesure que vous comprenez la compassion qu'il a pour vous tous les jours. C'est comme ça qu'on devient plus compatissant. Mais quand on ne goûte plus la compassion du Christ à tous les jours de notre vie, on arrête d'avoir de la compassion pour les gens. On est trop fatigués. On ne veut plus être avec eux autres. Ils dérangent dans le trafic. Ils sont fatigués quand ils ont les jambes cassées. On arrête de goûter la compassion du Christ, donc on arrête d'avoir la compassion pour les gens. Puis là, on prie pour en avoir, on pense que ça va venir overnight. Pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Mais plus vous allez goûter la compassion, c'est la même vérité que je vous ai déjà dit quand on parlait du pardon, plus vous allez goûter le pardon de Dieu, plus vous allez avoir facilité à pardonner. Vous pouvez, on ne peut pas se vider, on ne peut pas se vider des êtres humains. Et on peut se remplir. Quand on se remplit, il y a quelque chose qui ressort. Quelque chose qui ressort. Si on se remplit de la compassion, si on goûte, si vous vous levez le matin et vous êtes impressionné, ou ce que je suis impressionné de la compassion de Dieu pour moi aujourd'hui, dans ma vie, encore pécheur comme je suis, de goûter cette compassion de Dieu, cette miséricorde de Dieu, ça m'aiderait à avoir de la compassion plus pour les autres autour de moi. Je crois que c'est la seule solution personnellement que je vois de faire. Nous allons prier ensemble que Dieu nous aide dans ce sens-là. Seigneur notre Dieu, nous voyons bien ici ce matin, dans ce que nous avons lu avec la belle-mère de Pierre, avec les démoniaques, avec les malades, avec les gens qui étaient dans la barque, qui ne te connaissaient pas. On voit bien toute ta compassion pour l'être humain. Ta compassion va se manifester encore beaucoup plus fortement dans les chapitres qui s'en viennent, parce que tu vas aller jusqu'à la mort. Par pure compassion pour nous. Seigneur, nous aimerions que tu continues à nous exprimer cette compassion-là, qu'on puisse, à travers les Écritures, à travers notre vie de tous les jours, qu'on puisse goûter par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, ta compassion, afin qu'on soit compatissant pour les gens qui nous entourent. Et quand on parle de ce monde dans lequel nous vivons, les gens ressentent qu'on a de la compassion. Quand on les visite chez eux, qu'ils puissent ressentir qu'on a de la compassion pour eux, de la miséricorde. Seigneur, nous avouons humblement que nous sommes incapables, en tant qu'être humain, d'en avoir. On dépend de toi. Tu es la seule compassion qui existe. Et la seule façon de l'avoir, c'est toi. Et Seigneur, on s'offre à toi encore ce matin. Prends-nous. Amène-nous dans ce monde, dans nos villages, dans nos villes, dans nos maisons, partout où nous sommes. Fait qu'on puisse exprimer de la compassion pour les gens qui nous entourent. Afin que quelques-uns puissent te rencontrer, te connaître, être sauvés et t'aimer pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Levons-nous, on va chanter un cantique, si vous voulez bien.